إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من مقاصد الشرع الحكيم وموارد الدين القويم الاحتفاء بحفظ الدين والعناية به وإن أعظم الأوامر والنواهي التي بوشر بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم تتعلق بحفظ الدين من كل ما يغيره أو يكدره إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فإن تأتي عليه العوائق فإن تأتي عليه العوائق فتخرج العبد تارة من الإسلام إلى الكفر أو تخرجه من السنة إلى البدعة والتي كالعواتي العاتية أشد من الريح العاصف والرعد القاصف الذي يجتث الأشجار من جذورها وإن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فيما أمره به حفظا لدينه وتنبيها للمؤمن من بعده أي احرصوا على ما تحفظون به دينكم فقال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فأخبره ربه سبحانه وتعالى أنه اصطفى له شريعة من الدين لم تكن لغيره من الأنبياء والمرسلين وأنه يتخوف عليه من الأهواء المضلة التي تزحزح العبد من الإيمان إلى الكفران فأخبره أن تلك الأهواء هي أهواء الذين لا يعلمون وإذا كان هذا الأمر مخوفا منه على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف الخوف على غيره وإذا كان هذا الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الزمن الأول في صدر الزمن الأول من الإسلام الذي هو زمن قوته فكيف الحال مع تأخر الزمان وبعد العهد بالرسالة إلا شدة الخوف من أهواء الذين لا يعلمون أن تباشر قلوب المؤمنين فتخرجها من الإسلام إلى الكفر أو من السنة إلى البدعة وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وإذا كان هذا له صلى الله عليه وسلم فأنتم أيها المؤمنون احفظوا دينكم ولا تتبعوا من أطاع هواه وكان أمره فرطا وقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك فأنتم أيها المؤمنون استمسكوا بدينكم الذي جاء به أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، أي من تاب معك مأمورون بأن يستقيموا بما أمر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يطيعوا الأهواء والآراء، وإنما يمسكوا بالدين الذي أوحى الله به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه سبيل نجاتهم وطريق أمانهم في الدنيا والآخرة. فلا يخرج العبد من معرة العاتيات المغيرة للدين من أهواء الذين لا يعلمون إلا بأن يستمسك بالدين الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وليس ذاك بأمر يعز، ولكنه أمر شديد، فيوجد في الناس من يثبتهم الله سبحانه وتعالى على هذا الدين الحق. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأما أولئك الذين قضوا نحبهم وتقدمت آثارهم، فمن مضى من الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد الله عز وجل لهم بأنهم مؤمنون، عاهدوا الله عز وجل فصدقوا ما عاهدوه عليه. وأما الذين جاءوا من بعدهم فإنهم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: وددنا أن قد رأينا إخواننا، فقالوا له: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ فقال: لا، أنتم أصحابي، وإخواننا قوم يأتون من بعدي، أي يأتون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمنون به وهم لم يروه، فيتبعونه صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه، فيثبتون على دينه صلى الله عليه وسلم وهم لم يروه، ويوقنون بأن منتهى من آمن به أن يلقاه صلى الله عليه وسلم في دار الكرامة في جنات عدن. فهم يسلمون أنفسهم، وإن تأخر زمانهم وتخلفت أحوالهم، أنهم آخذون بالصراط المستقيم الذي جعل الله عز وجل عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فهم يسيرون بسيره، ويقتدون بهديه، ويصبرون على أمره حتى تفيض أرواحهم، ويرجون رحمة ربهم أن يجمعهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أبلغ في نصحكم فترك لكم من ذلك علما، فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإنه سيكون في آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء الفتنة ويرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليؤمن بالله واليوم الآخر، وليأته منيته، يعني موته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شرا منه. فقد أخبركم صلى الله عليه وسلم بما تثبت به قلوبكم ويثبت به يقينكم ويزيد إيمانكم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال من هذه الأمة طائفة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم، يعني من تركهم، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. وفي رواية: وهم ظاهرون على الحق. فليس الخوف على دين الله، فدين الله محفوظ، ولكن الخوف على دين كل واحد منا، أن يكون له اليوم دين ولم يكن له أن يكون له اليوم دين لم يكن له بالأمس. وهذه علامة الفتنة بالدين، فإن الدين الحق واضح مشهور معلوم لا يخرج للناس في أواخر الزمن منه ما لم يكن يعرفونه. وإن ابن عمرو رضي الله عنه ما قال لكم: أيها الناس، إنه سيكون في آخر الزمان كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. ولا عمري أن أولئك الكذابين، ولا سيما الذين يزيدون في الدين بما ليس منه أو يحولون شرائعهم عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قد امتدت أعناقهم وطار شررهم وبان ضررهم. فالنجاة النجاة، إلزموا دينكم الذي تعلمون من مشاهر علمائكم، فإنما الدين المشهور وإنما الدين الظاهر المعروف عند الناس الذي تواطؤوا عليه قرنا بعد قرن. واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يحييكم على الإسلام والسنة وأن يميتكم على الإسلام والسنة، فالأمر شديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah. Préservez-vous d'Allah et préservez-vous d'un jour dans lequel vous allez, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, devoir se tenir devant son Créateur pour répondre de ses gestes, pour répondre de ses actes, pour répondre de ses paroles. Et chacun d'entre nous sera questionné. Et il n'y aura pas entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala aucun traducteur. Serviteur d'Allah, sachez que la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui existe sur terre appartient à Allah. Tout ce qui existe dans cet univers appartient uniquement à Allah. Tout ce qui existe sur terre, tous les pays qui sont sur terre, tous les territoires qui sont sur terre, tous les animaux, les plantes, les océans, les continents, les pays, tout ce qui existe sur terre, ça n'appartient qu'à Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala est généreux envers ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala donne à toutes les créatures sa subsistance. Depuis la plus petite des bactéries, le plus petit de tous les insectes, jusqu'à l'être humain, chacun d'entre eux, il a ce qu'il a besoin. Il mange, il boit de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il respire l'air que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Il profite de la lumière que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée et de la chaleur que Allah subhanahu wa ta'ala a procuré la terre par le soleil qu'il a créé et la lune la nuit qui l'éclaire. Le croyant est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. Mais le kafir, il marche sur la terre d'Allah. Il mange la subsistance que Allah lui donne. Il boit de la subsistance que Allah lui donne. Il profite de toutes ses grâces. Et après cela, il est ingrat envers son Créateur. Il refuse de se soumettre à lui. Et il veut imposer sur la terre d'Allah les lois qu'il a inventées lui-même. Et il veut s'écarter et rejeter et opposer les lois que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées à ses messagers pour que les hommes puissent vivre en paix et en harmonie et sur le droit chemin sur la terre d'Allah. Alors, les premiers musulmans, les sahaba, ils ont compris que cette terre, elle appartient pas à X ou à Y, à un tel ou à un tel, à tel peuple ou à tel peuple. La terre appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, veut que ses créatures respectent ses ordres. Et les sahaba ont compris qu'ils avaient un devoir, qu'ils avaient une responsabilité face à cette humanité. C'était de les appeler à la voix d'Allah et à la religion d'Allah pour établir le tawhid d'Allah sur la terre, pour établir l'adoration sur terre, parce que c'est le but de notre existence. Et ils ont compris que la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils ont la responsabilité de faire appliquer cette loi sur terre. Nous, les musulmans de notre époque, illa man rahim Allah, on n'a plus cette conception. On a oublié cette mentalité. Et au lieu de ça, au lieu de penser de la manière comment les sahaba ont pensé, on pense de la façon contraire. On pense que la terre appartient au shaitan ou au kuffar et que c'est eux qui peuvent faire la loi comme ils veulent sur terre. Et nous, on doit se soumettre et on doit suivre les lois que le shaitan a inspirées à ces gens-là pour suivre la voie vers l'enfer et s'écarter de la voie du paradis. Et ça, c'est triste et c'est malheureux. Et nous vivons à une époque dans laquelle il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de tests pour les croyants. Et avec le temps qui avance, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a prophétisé à sa umma, depuis le début, faites attention, il va y arriver vers la fin des temps de grandes épreuves, de grandes tribulations, de grandes situations dans lesquelles les croyants seront éprouvés et testés dans leur foi. Ils vont se lever le matin, ils vont être croyants, et le soir, ils seront mécréants. Et le soir, ils seront croyants, et le matin, ils se lèveront mécréants. Ils vendront leur religion pour quelque chose de la dunya. Des épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme étant des tranches de ténèbres, tellement elles sont épaisses, tellement elles sont sévères. Des épreuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit comme les vagues de l'océan, qui se suivent les unes après les autres. Chacune d'entre elles fait paraître celle qui était précédente petite par rapport à l'autre. يُرَقِّقُ بَعْدُهَا بَعْضًا, c'est-à-dire que la fitna qui vient après, elle fait paraître celle d'avant comme si elle était rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que le temps va avancer et plus il avance et les choses vont devenir plus mauvaises encore. Elles vont devenir pires encore. Donc si vous trouvez que les choses aujourd'hui sont difficiles, préparez-vous à ce que les choses deviennent plus difficiles encore. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a avertis à ce sujet-là. La question maintenant est de savoir, est-ce que nous allons rester accrochés à cette religion ou non? Parce que notre crainte, ce n'est pas pour cette religion elle-même. Parce que cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui la préserve. C'est lui qui la protège. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons fait descendre, certes, le rappel, et nous allons le préserver. Cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé de s'en occuper et de la préserver. La question est, est-ce que nous, en tant qu'individus, en tant que musulmans, nous allons être capables de rester fermes sur cette religion-là et de pas la perdre? Parce que c'est une question très sérieuse à notre époque. Et il y a des endroits actuellement dans le monde où on déclare ouvertement la guerre à l'islam. On déclare ouvertement la guerre au Coran et à la Sunna. Et maintenant, on voit que dans certains pays, on essaie de dire ou de faire imposer aux musulmans de reconnaître que les lois des hommes sont supérieures et au-dessus des lois d'Allah. Le musulman, la seule loi qu'il reconnaît, c'est la loi d'Allah. Et si il ne tue pas, c'est parce qu'il reconnaît la loi d'Allah qui lui interdit de tuer. C'est pas parce que les hommes ont écrit sur un papier que le meurtre est un crime qu'il ne tue pas. C'est parce que Allah a révélé dans le Coran que de tuer est interdit. C'est pour ça qu'il ne tue pas. Et il ne vole pas. Pas parce que les hommes ont écrit sur un papier que de voler est interdit. Il ne vole pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants de voler. S'il ne ment pas, c'est pas parce que les hommes ont écrit sur un bout de papier que de voler, c'est interdit. Il ne ment pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et si le musulman tue, c'est parce qu'il a contredit la loi d'Allah et la charia d'Allah. Et si le musulman vole, c'est parce qu'il a contredit la charia d'Allah. Pas les lois des hommes, la charia d'Allah. Si le musulman ment, c'est parce qu'il a contredit la charia d'Allah. Le musulman, lorsqu'il a un bon comportement, c'est pas parce qu'il est un bon citoyen qui veut respecter les lois que les hommes ont écrites. Il est un bon musulman, il a un bon comportement parce qu'il obéit à la loi d'Allah. Et il suit la sunna de son messager. La charia, pour le musulman, est toujours au-dessus de tout. Et si le musulman vit dans une société ou dans un pays dans lequel on contredit la loi d'Allah, il reconnaît uniquement comme étant vrai les lois qui sont en accord avec la charia et qui sont en accord avec l'islam. Toute loi qui contredit l'islam ou qui contredit la charia, il la rejette dans son cœur. Même s'il contredit la loi d'Allah, il reconnaît que la loi d'Allah, c'est elle qui obéit. Par exemple, si un musulman vit dans un pays où l'alcool est licite et légalisé, où la drogue est légalisée, où le zina est légalisé, où la sodomie est légalisée, hein, où la pornographie, hein, est légalisée, il considère que ces légalisations de ces crimes est interdite en islam et contraire à sa foi. Et même s'il commet ces péchés-là, même s'il tombe dans l'alcool ou qu'il boit de l'alcool, même s'il fait le zina, il sait au fond de son cœur que ce qu'il fait c'est contraire à la loi d'Allah et que c'est un péché. Et si il y a dans les lois des hommes des choses qui contredisent la loi d'Allah, il va rejeter toute loi qui est contraire à l'islam, même s'il commet les péchés qui sont permis dans cette société-là. Parce que dans son cœur, c'est la loi d'Allah qui est au-dessus de tout. Et ça, c'est la chose qui tranche entre c'est la différence entre le croyant et le non-croyant. Donc si quelqu'un parmi les gens vit dans un pays où on veut lui imposer la supériorité de qu'est-ce que les hommes ont inventé sur la loi d'Allah, il doit rejeter cette chose-là. Et ça, c'est très grave pour sa foi si il se laisse tenter ou s'il n'est pas ferme et s'il n'est pas solide dans sa religion. Les musulmans à notre époque, ils doivent rester fermes. Ils doivent rester accrochés à leur foi. Ils doivent rester accrochés à leur religion. Vous allez entendre beaucoup de choses déplaisantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَذَنْ كَثِيرًا. Vous allez entendre des paroles déplaisantes et des offenses contre votre religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِنْ تَصْبِرُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et si vous êtes pieux, et si vous avez attaqwa, vous préservez d'Allah et que vous êtes endurant et patient, ça c'est la plus ferme et la plus importante des choses. Alors le rappel de cette khutba, c'est de vous accrocher à la loi d'Allah, de vous accrocher à la religion d'Allah. Et même si vous êtes en train de désobéir à Allah dans vos vies, ou que vous êtes en train de contredire ce que Allah a ordonné dans vos vies, reconnaissez que qu'est-ce que vous faites, c'est incorrect, contraire à ce que Allah a ordonné, et demandez à Allah pardon et repentez-vous.